C'est une observation assez incroyable. Un alignement des axes de rotation de dizaines de quasars s'étendant sur plusieurs milliards d'années-lumière a pu être observé grâce au télescope VLT de l'ESO. Ces quasars, trous noirs supermassifs rayonnant fortement par leur disque d'accrétion de matière, apparaissent alignés sur la structure à grande échelle de l'univers jeune, leur axe de rotation étant systématiquement aligné sur la direction du filament cosmique de matière qui les contient, et ce, sur plusieurs milliards d'années-lumière. C'est une équipe d'astrophysiciens belges qui publie cette observation étonnante dans la revue Astronomy and Astrophysics de décembre. Damien Hutzemeckers et ses collègues de l'Université de Liège ont exploité le spectrographe FORCE du Very Large Telescope pour étudier un échantillon de 93 quasars connus auparavant pour former des groupes s'étalant sur plusieurs milliards d'années-lumière. Et tout ça à une distance de 9 milliards d'années-lumière d'ici. La première chose intrigante que les chercheurs belges ont relevée est l'alignement des axes de rotation de plusieurs quasars entre eux, alors qu'ils étaient séparés déjà de plusieurs milliards d'années-lumière. Et puis, ils ont ensuite regardé si ces alignements étaient liés aux structures de matière à grande échelle, la distribution des galaxies. Il faut ici rappeler que la structure à grande échelle de l'univers montre une répartition des galaxies et amas de galaxies qui forment de vastes filaments formant comme des surfaces de très grandes bulles vides, en tout cas beaucoup moins denses en galaxies. Et la réponse fut sans appel. Les quasars observés sont répartis sur les filaments de matière formant cette vaste toile cosmique, et oui, leur axe de rotation est bel et bien aligné sur l'axe du filament dans lequel ils se trouvent, systématiquement et sur des échelles de distance considérables. Les astrophysiciens ont calculé la probabilité que de tels alignements des axes de rotation des trous noirs supermassifs soient une pure coïncidence, et elle n'est que de 1%. Un tel comportement d'alignement d'axes de rotation avait déjà été entrevu sur des galaxies en 2013 à plus petite échelle, mais il n'avait encore jamais été observé sur des quasars, et surtout jamais sur de telles distances de plusieurs milliards d'années-lumière. C'est donc un tour de force d'avoir réussi cette observation indirecte. Pour évaluer la direction de l'axe de rotation d'objets aussi démesurément lointains, la méthode utilisée repose sur l'observation de la polarisation de la lumière. La direction de la polarisation, associée à d'autres informations comme la largeur de certaines raies d'émission dans le spectre, permet de déterminer l'angle de vue du disque d'accrétion de matière du trou noir, source du quasar. Et le disque d'accrétion est toujours perpendiculaire à l'axe de rotation, ce qui permet d'en déduire la direction de cet axe de rotation. Il est tentant de rapprocher les indices d'alignement d'axes de rotation de galaxies proches observées à plus petite échelle avec ces nouvelles observations, en imaginant un mécanisme commun à son origine. Mais les auteurs mettent en garde sur le fait que la rotation de toute une galaxie peut être très différente de la rotation du trou noir supermassif qui se trouve dans son centre. Ces nouveaux résultats semblent par ailleurs expliquer des mesures de polarisation assez similaires que la même équipe avait obtenues il y a 15 ans et qui avaient été interprétées à l'époque par un effet de polarisation de la lumière par le milieu interstellaire. Des effets parasites qui ont pu être rejetés dans ces nouvelles observations. Alors, d'où proviennent de tels alignements? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, je ne résiste pas à recopier la dernière phrase de l'article de l'équipe de Damien Hutzemeckers, qui vaut une bien belle conclusion. The existence of correlations in quasar axes over such extreme scales would constitute a serious anomaly for the cosmological principle. L'existence de corrélations entre les axes de rotation des quasars sur des échelles aussi extrêmes constituerait une sérieuse anomalie pour le principe cosmologique. L'article de Damien Hutzemeckers et ses collègues est paru dans Astronomy and Astrophysics numéro 572. Il est accessible en open access. Et oui, le lien est en bas du poste. Et voilà, l'article s'appelle « Alignment of quasar polarizations with large-scale structures ».